Zone Mag vous est présenté par Mag Music, votre disquaire à Amos depuis plus de 24 ans. Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre émission de Zone Mag. Ça va bien, Karine? Oui, toi, Steve? Oui, assez pressé, mais ça va. On y va avec la première sortie de la semaine. Le groupe chrétien de rock alternatif Skillet sort leur 9e album qui s'intitule Rise. Le groupe américain qui sont dans le domaine depuis tout de même 1996, donc quasiment 17 ans de carrière déjà derrière eux. Le chanteur du groupe, John Cooper, définit l'album qu'on vous présente cette semaine comme un tour de montagne russe. Il veut dire par là où il y a des chansons qui sont très rock, il va y avoir des ballades, des pièces peut-être un petit peu plus... musical. Des donc, hauts et des bas dans l'album. Ouais, ouais, un beau melting pot, si on peut dire. On peut comparer leur son à des groupes comme Thousand Foot Crush, Three Days Grace ou Breaking Benjamin, si on veut faire un peu des liens avec le groupe. Le chanteur avait annoncé en juin 2011 qu'il travaillait sur du nouveau matériel pour pouvoir sortir un nouvel album. Donc, presque 2 ans, jour pour jour, après l'annonce du nouvel album, on reçoit cet album cette semaine. Les premiers extraits disponibles de l'album Rise étaient Sick of It, American Noise et Not Gonna Die. Pour ma part, je connaissais déjà le groupe Skillet avec Awake puis Comatose. Puis je te dirais que j'ai vraiment aimé l'album. Tu sais, ils ont apporté différents éléments qu'il n'y avait pas comme dans les albums précédents. Mais honnêtement, c'est quelque chose à découvrir. Écoutons quelques extraits du groupe Skillet avec leur album Rise. On avait aussi Amon Amarth qui sortait Deceiver of the Gods. Amon Amarth, c'est un groupe de death metal que j'ai écouté en descendant à Montréal. Et honnêtement, si tous les groupes de death metal chantait comme ça, faisait de la musique comme ça, j'en écouterais à pocheter. J'ai vraiment adoré cet album-là. Puis ceux qui me connaissent, ceux qui nous écoutent depuis le début savent que je suis pas très très death metal, justement parce que c'est du gueulage, on n'entend pas tout le temps les paroles. Mais eux autres, là, c'est vraiment à la limite, je dirais, tu sais, entre le gueulage puis le c'est pas le chanter, mais on comprend. Tu sais, c'est ça, tu sais, c'est vraiment rough, c'est vraiment dur le vocal, mais on comprend qu'est-ce qu'ils chantent. Ça permet justement d'apprécier un peu plus. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé ça. Autant les amateurs de death que les autres, là, si vous voulez vous laisser vous tenter, je vous conseillerais au moins lui donner la chance. De toute façon, on va avoir quelques extraits, mais c'est comme je vous dis, je suis pas amateur de ce genre de musique-là, mais si ça serait tout le temps comme ça, c'est des albums que je... Donner la chance au courant. Ah, c'est ça, sans hésiter, là, j'achèterais celui-là et tous les autres. Donc, on va y aller avec quelques extraits de Amon Amarth et Deceiver of the Gods. Bob Marley ressort son album Legend, qui est le meilleur vendeur reggae de tous les temps. Cette fois-ci, l'album est réédité de manière remixée, si on veut. On retrouve des pièces qui ont été retouchées par Stephen et Ziggy Marley, qui sont ces deux gars. Ouais. Ouais. Après avoir bouché dur pour connaître le succès, le chanteur réussit enfin en 1973 à être connu pour son talent, et depuis, il reste encore à ce jour le meilleur chanteur. Parce qu'on peut pas parler reggae sans parler de Bob Marley. Et voilà, exactement. C'est l'investigateur de la musique jamaïcaine. Il a permis au mouvement Rastafari d'avoir une audience à l'échelle planétaire. Mm-hmm. L'album Legend Remixed a été retravaillé pour donner une version un peu plus électronique, même à la fois sur quelques pièces, ils vont utiliser du dubstep aussi, c'est très intéressant. Je connaissais pas beaucoup je connaissais quelques-unes des pièces de Marley, mais ouais. Exactement, je connaissais pas beaucoup. Puis j'ai vraiment, vraiment apprécié l'album. Ça a été, pour moi, en tout cas, une très belle découverte. En plus, avec la belle température, ça s'écoute plutôt bien. Oui, oui, oui. Alors, voici des extraits de Bob Marley avec l'album Legend Remix. On avait aussi Hawthorn Heights qui sortait l'album Zero. Hawthorn Heights, c'est un groupe, je vous dirais, qui ressemble un peu dans le style de Sum 41, Fall Out Boys, Mike. Ouais, tu sais, pop alternatif. J'ai vraiment aimé celui-là aussi. Là. J'ai vraiment aimé écouter cet album-là. Puis justement, on s'en va dans l'été, puis avec le beau temps. C'est le genre de musique, en tout cas, que moi je trouve qui fit vraiment avec l'été là, tu sais, c'est, s'écoute bien. Ça s'écoute très bien, puis ça pour faire le voyage. Celui-là, je l'ai écouté en revenant à Montréal Abitibi, mais c'était tout aussi bon. Non, j'ai vraiment adoré ça. Justement pour ceux qui aiment le style comme je disais là, tu sais, un peu Sum 41, Fall Out Boys, Michael McMillan Romance, c'est vraiment ça joue dans ces eaux-là, puis ça c'est le même genre de beat, autant des tunes un peu plus rythmées que des ballades. Puis, donc, on vous fait écouter quelques extraits de Hawthorn Heights avec l'album Zero. There's a girl next door. She's got holes in both sides of her heart. She's been crying while lying in the... Continue avec d'autres nouveautés qui sortent encore cette semaine. Du côté R&B, on retrouve James Brown avec Best of Live at the Apollo. Côté électro, on va retrouver DJ Tiesto, excuse-moi, avec Club Life Volume 3 à Stockholm. Côté pop rock, on va retrouver Alicia Keys avec VH1. Storytellers, qui a rassemblé des meilleurs succès. On va retrouver côté métal, Queen's Reach avec l'album Queen's Reach. Et côté hip-hop, on va retrouver Whale avec l'album Gift. Et du côté compilation, on va retrouver Saint-Germain-des-Prés Café. Du côté des sorties DVD Blu-ray, on avait l'incroyable Burt Wonderstorm. Qui sortait aujourd'hui. Ça met en vedette Steve Carell, Steve Buscemi, la très jolie Olivia Wilde et Jim Carrey, entre autres. C'est un film de magicien. Ça se veut une comédie légère. Donc, si vous aimez les comédies, si vous aimez la magie, ça vaut la peine. Il y a beaucoup de... C'est sûr que ça reste la télé, ça reste du montage... Mais il y a beaucoup de tours de magie qui ont été faits dans ça, même si c'est humoristique, que si je verrais en vrai, je serais bluffé. Là. J'aurais envie de savoir comment est-ce qu'il a fait. Là. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont expliqués. On va un peu plus vers la fin là, que leur truc à eux autres qui sont pas vraiment des tours de magie. Les dessous! Bon, ouais, c'est ça. Je dévoilerai pas trop de punch. Mais non, c'est vraiment très léger. Ça s'écoute très bien. Il y a même... Écoute... Le personnage que Jim Carrey joue, c'est clairement une caricature de Criss Angel. OK. Qui est vraiment à côté un peu plus sombre, un peu plus non traditionnel de ce qu'on connaît de la magie des Pas magiciens. Sadique, là. Mais ouais, c'est ça, tu sais, mais c'est clair, c'est évident. Là, c'est, puis, tu sais, le film s'assume très bien. OK. mais c'est. Je l'ai écouté avec ma conjointe, puis c'est ça. C'est le personnage de Jim Carrey, il est vraiment. C'est vraiment trop extrême, là. C'est vraiment trop ridicule. Tu fais comme si c'est épais. Là. C'est trop. Là. Tandis que les autres sont un peu plus conservateurs. Ça va avec le film aussi. Puis c'est un film qui va parler un peu de l'histoire de... Pas de l'histoire, mais de l'importance de l'amitié puis des premiers parce que, bon, Steve Buscemi puis Steve Carell font leur spectacle depuis qu'ils sont tout petits, là, ils sont tout le temps ensemble, ils ont commencé à apprendre leur tour de magie ensemble, puis ça fait presque 30 ans qu'ils font ça là, ensemble, depuis qu'ils sont okay. 11, 12, 13 ans peut-être. Là. Donc, puis à un moment donné, il arrive un froid entre les deux, ils sont séparés, puis l'histoire se base un peu alentour de ça. On a le personnage de Steve Carell, qui est un peu plus... avec le temps, qui est devenu très égocentrique, très centré sur lui-même, puis il fait presque plus rien dans ses spectacles. C'est tout l'autre qui fait plus que la moitié de la job, là, tu sais, ouais, c'est ça. Puis c'est un peu la source aussi des conflits. Puis éventuellement, ben on s'en doute bien, ils vont se réconcilier, là, je vais m'arrêter c'est là. C'est un film avec des bonnes valeurs. Oui, c'est ça, tu sais, mais je vais m'arrêter là pour pas trop en dévoiler, mais ça vaut vraiment la peine. C'est comme je dis, si vous aimez les comédies, c'est très léger, ça s'écoute très bien, même en famille, là, avec les enfants, sans trop de problèmes. Je vous dirais que peut-être les très très plus jeunes, tout dépendant des tours que le personnage de Jim Carrey fait, sont peut-être moins conseillés, je dirais peut-être pour les 8 ans et moins. Là. Mais sinon, ça s'écoute très bien. Puis, si vous aimez la magie, comme je dis, il y a des tours dans ça que si... Ben, C'est sûr qu'ils sont probablement pas en laine, mais tu sais, tu fais comme, OK, là il a bien réussi. Là. Donc, l'incroyable Burt Wonderstorm, un film à conseiller. Pour les autres nouveautés du côté DVD, on avait le film L'Appel, qui est un film de suspense. On va avoir aussi Le Revendeur comme film d'action. Il y avait côté drame, Un monde à l'envers. Et côté horreur, Le Dernier Exorcisme 2. Ça risque d'être intéressant. Oui, très. Mardi, il y avait aussi un événement Nintendo qui était pour le post-E3. Donc, il présentait physiquement tous les jeux qui avaient été présentés au E3, puis les médias étaient invités à aller essayer les jeux. Avec la zone technoculturelle, on a été invités. C'est mon collègue Olivier qui est allé, qui a essayé quelques jeux. Donc, je vais essayer de vous résumer vite fait là, les jeux qui ont été essayés, puis ses impressions à lui. Premièrement, on a eu Wii Party U, qui a énormément de mini-jeux. C'est près de 80 mini-jeux qu'il y a dans le jeu. Qui sont beaucoup variés. Ça lui faisait penser à un Mario Party, puis un peu aussi à WarioWare Smooth Touch, pour ceux qui connaissent sur la Wii. Il y avait aussi Wonderful 101, qui est... Il dit que c'est assez complexe. Là. C'est sûr que pour moi, je ne les ai pas essayés, fait que c'est un peu plus dur d'aller expliquer, puis j'ai pas d'image, j'ai pas de vidéo. Donc, j'y vais. Lui dit que c'est un jeu qui est assez complexe, mais qui a un grand potentiel, puis qui était amusant. Il y a Legend of Zelda Wind Waker HD, qui ressort, était déjà ressorti sur... je crois que déjà, il était sur les deux GameCube et Wii, quand il avait sorti. Si je me souviens bien, il avait sorti sur les deux. Là, évidemment, c'est une version HD, donc les graphismes sont meilleurs. Les couleurs sont beaucoup plus vives. C'est le même jeu, ça va être la même histoire. Il y a quelques ajouts qui permettent de recevoir des messages des amis pour avoir de l'aide dans le jeu. Ça fait partie, ça fait partie d'une des promotions de la Wii U. Là. Tu sais, c'est l'interaction avec les amis sur la Wii U est beaucoup plus poussée que ce que c'était sur les autres. On a Super Mario 3D World, qui est un jeu multijoueur, amusant, donc chaque personnage a une jouabilité différente. Puis il y a des nouveaux costumes. Lui, il a pas tant aimé ce jeu-là. Il disait que c'était correct. Là. C'est peut-être pas un argument de vente, mais tu sais, ça peut quand même être... À essayer pour chacun. C'est ça. On a Pikmin 3. Qui fait. Lui est très attendu, je pense. Oui, parce que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un nouveau Pikmin. Donc, les fans de Pikmin ont très hâte que ce jeu-là sorte. D'ailleurs, qui est très bientôt, si je me souviens bien. Lui, c'était la première fois qu'il jouait à un Pikmin, donc ça l'a plus ou moins accroché. Ensuite, on avait Mario et Sonic at the Sochi 2014 Olympic Winter Games. Qui est évidemment des jeux des Olympiques d'hiver. Avec les mêmes disciplines et tout. Là. Ouais, c'est ça. Donc, il y a des graphismes plus intéressants sur le gamepad. Il y a quelques mini-jeux qui seraient... Mais c'est sûr que c'est pas des versions finales. C'est ça. Lui dit que contrôler le jeu, c'était pas tout le temps évident. Donkey Kong Country Tropical Freeze qui est la même version que la Wii et la 3DS, évidemment en HD, puis il a trouvé dommage que le gamepad soit pas utilisé dans ce jeu-là. Ça aurait pu être quelque chose qui aurait pu être intéressant aussi, qui éventuellement peut-être que ben oui. Ou avec des mises à jour des fois, on sait pas. Sur la 3DS, il y a Legend of Zelda Link Between Worlds, qui est la suite de A Link to the Past, qui est très amusant, simple et efficace à contrôler. Donc, il y a des nouveaux pouvoirs, donc entre autres de pouvoir se transformer en dessin. Puis, les nouveaux défis, justement, en rapport avec les nouvelles jouabilités. Donc, ça peut être un titre qui risque d'être intéressant. On avait Mario et Luigi Dream Team, qui est la suite de la saga de Mario et Luigi. Donc, c'est le quatrième de la franchise. qui est semblable aux autres dans la jouabilité, mais qu'il était très beau, qui était quand même assez amusant. Lui disait qu'il avait préféré les Zelda sur la 3DS, Mario et Luigi, et qu'il risquait sûrement de les acheter. Donkey Kong Country, ben ça reste un classique. S'il y avait une Wii U, il l'achèterait. sinon, ben, en général, les jeux de Wii U ne l'ont pas nécessairement convaincu d'acheter la console. C'est sûr que ça dépend tout le temps aussi. Puis de l'adapter aussi, hein, les premiers. Quand tu n'as jamais joué, ben, c'est d'aller te chercher, pas des points de repère, mais à force. L'expérience de la série, ouais, c'est ça, des fois qui n'est pas tout à fait pareil. Il dit que Wind Waker HD est probablement un achat, mais comme lui, il a déjà la version GameCube, il y a moins d'intérêt que juste pour le HD. Donc, si jamais vous ne l'avez pas, mais que vous avez une Wii U, ça peut être un titre qui est très intéressant. Donc, c'est ce qui complète le résumé très, très, très rapide de l'événement. Donc, si jamais, par exemple, si vous voulez avoir plus de détails, plus complets aussi, on va faire un article sur zonetechnoculturelle.ca. Donc, vous pourrez aller visiter là, dans les courants des prochains jours. Ça devrait être en ligne. Pour le week-end, il y a la 56e édition de l'Expo Rotary des Jardins qui va s'amorcer dès cette fin de semaine à Amos. Celle-ci se déroule du 27 au 29 juin inclusivement. On y retrouve encore cette année une belle brochette d'artistes pour les spectacles. Soit le jeudi soir, on aura la chance d'avoir le groupe Les Bébés qui... Hein, ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Un gros retour pour le groupe. Ouais, effectivement. Avec de très bons succès. Ainsi qu'en fin de soirée, on va y retrouver Final State. Pour le vendredi soir, on retrouve Martin Deschamps. Et pour clore la soirée, il va y avoir le groupe La Jarry. Pour conclure le tout le samedi, on retrouve les Pornflakes et ses invités. Qui a d'ailleurs, j'oublie son nom par exemple, si je me rappelle bien, c'est la gagnante de la voix de cette Valérie année. Carpentier. C'est ça, oui, qui va être là cette année. Avec aussi un autre groupe pour la fin de soirée, les Bell Angels. Donc encore une grosse fin de semaine en perspective. On vous souhaite une bonne fin de semaine. Bien du plaisir. Et, oh oui, on en profite. Bien de l'écoute de musique. Exactement. Donc, c'est tout pour nous pour cette semaine, puis on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir, bye-bye! Bye! Zone Mag vous est présentée par Mag Music, votre disquaire à Amos depuis plus de 24 ans.